Regret, par Guy de Maupassant. Monsieur Saval, qu'on appelle dans Mantes le père Saval, vient de se lever. Il pleut. C'est un triste jour d'automne. Les feuilles tombent. Elles tombent lentement dans la pluie, comme une autre pluie plus épaisse et plus lente. Monsieur Saval n'est pas gai. Il va de sa cheminée à sa fenêtre et de sa fenêtre à sa cheminée. La vie a des jours sombres. Elle n'aura plus que des jours sombres pour lui maintenant. Car il a 62 ans. Il est seul, vieux garçon, sans personne autour de lui. Comme c'est triste de mourir ainsi, tout seul, sans une affection dévouée. Il songe à son existence si nue, si vide. Il se rappelle dans l'ancien passé, dans le passé de son enfance, la maison avec les parents, puis le collège, les sorties, le temps de son droit à Paris, puis la maladie du père, sa mort. Il est revenu habiter avec sa mère. Ils ont vécu tous les deux, le jeune homme et la vieille femme, paisiblement, sans rien désirer de plus. Elle est morte aussi, que c'est triste la vie. Il est resté seul, et maintenant il mourra bientôt à son tour. Il disparaîtra, lui, et ce sera fini. Il n'y aura plus de Monsieur Paul Saval sur la terre. Quelle affreuse chose! D'autres gens vivront, s'aimeront, riront. Oui, on s'amusera, et il n'existera plus, lui. Et c'est étrange qu'on puisse rire, s'amuser, être joyeux sous cette éternelle certitude de la mort. Si elle était seulement probable, cette mort, on pourrait encore espérer. Mais non, elle est inévitable, aussi inévitable que la nuit après le jour. Si encore sa vie avait été remplie, s'il avait fait quelque chose, s'il avait eu des aventures, de grands plaisirs, des succès, des satisfactions de toutes sortes. Mais non, rien, il n'avait rien fait. Jamais rien que se lever, manger aux mêmes heures et se coucher. Et il était arrivé comme cela à l'âge de 62 ans. Il ne s'était même pas marié comme les autres hommes. Pourquoi ? Oui, pourquoi ne s'était-il pas marié ? Il l'aurait pu, car il possédait quelques fortunes. Est-ce l'occasion qui lui avait manqué ? Peut-être, mais on les fait naître, ces occasions. Il était nonchalant, voilà. La nonchalance avait été son grand mal, son défaut, son vice. Combien de gens ratent leur vie par nonchalance? Il est si difficile à certaines natures de se lever, de remuer, de faire des démarches, de parler, d'étudier des questions. Il n'avait même pas été aimé. Aucune femme n'avait dormi sur sa poitrine dans un complet abandon d'amour. Il ne connaissait pas les angoisses délicieuses de l'attente, le divin frisson de la main pressée, l'extase de la passion triomphante. Quel bonheur surhumain devait vous inonder le cœur quand les lèvres se rencontrent pour la première fois, quand l'étreinte de 4 bras fait un seul être, un être souverainement heureux, de 2 êtres affolés l'un par l'autre. Monsieur Saval s'était assis, les pieds au feu, en robe de chambre. Certes, sa vie était ratée, tout à fait ratée. Pourtant, il avait aimé, lui. Il avait aimé secrètement, douloureusement et nonchalamment, comme il faisait tout. Oui, il avait aimé sa vieille amie Madame Sandre, la femme de son vieux camarade Sandre. Ah, s'il l'avait connue jeune fille. Mais il l'avait rencontrée trop tard, elle était déjà mariée. Certes, il l'aurait demandée, celle-là, comme il l'avait aimée pourtant, sans répit, depuis le premier jour. Il se rappelait son émotion toutes les fois qu'il la revoyait, ses tristesses en la quittant. Les nuits où il ne pouvait pas s'endormir parce qu'il pensait à elle. Le matin, il se réveillait toujours un peu moins amoureux que le soir. Pourquoi ? Comme elle était jolie autrefois, et mignonne, blonde, frisée, rieuse. Sandre n'était pas l'homme qu'il lui aurait fallu. Maintenant, elle avait 58 ans. Elle semblait heureuse. Ah, si elle l'avait aimé, celle-là jadis, si elle l'avait aimé. Et pourquoi ne l'aurait-elle pas aimé, lui, Saval, puisqu'il l'aimait bien, elle, Madame Sandre ? Si seulement elle avait deviné quelque chose. N'avait-elle rien deviné? N'avait-elle rien vu? Rien compris? Jamais? Alors, qu'aurait-elle pensé? S'il avait parlé, qu'aurait-elle répondu? Et Saval se demandait 1000 autres choses. Il revivait sa vie, cherchait à ressaisir une foule de détails. Il se rappelait toutes les longues soirées d'écartées chez Sandre, quand sa femme était jeune et si charmante. Il se rappelait des choses qu'elle lui avait dites, des intonations qu'elle avait autrefois. Des petits sourires muets qui signifiaient tant de pensées. Il se rappelait leurs promenades à 3 le long de la Seine, leur déjeuner sur l'herbe le dimanche, car Sandre était employée à la sous-préfecture. Et soudain, le souvenir net lui revint d'un après-midi passé avec elle dans un petit bois le long de la rivière. Ils étaient partis le matin, emportant leurs provisions dans des paquets. C'était par une vive journée de printemps, une de ces journées qui grisent. Tout sent bon, tout semble heureux. Les oiseaux ont des cris plus gais et des coups d'ailes plus rapides. On avait mangé sur l'herbe, sous des saules, tout près de l'eau engourdie par le soleil. L'air était tiède, plein d'odeur de sève. On le buvait avec délice. Qu'il faisait bon ce jour-là. Après le déjeuner, Sandre s'était endormi sur le dos. Le meilleur somme de sa vie, disait-il en se réveillant. Madame Sandre avait pris le bras de Saval. Ils étaient partis tous les deux le long de la rive. Elle s'appuyait sur lui. Elle riait. Elle disait « Je suis grise, mon ami. Tout à fait grise. » Il la regardait, frémissant jusqu'au cœur, se sentant pâlir, redoutant que ses yeux ne fussent trop hardis, qu'un tremblement de sa main ne révélât son secret. Elle s'était fait une couronne avec de grandes herbes et des lys d'eau, et lui avait demandé « M'aimez-vous comme ça ?» Comme il ne répondait rien, car il n'avait rien trouvé à répondre, il serait plutôt tombé à genoux, et s'était mis à rire, d'un rire mécontent, en lui jetant par la figure « Gros bête, va, on parle, au moins !» Il avait failli pleurer sans trouver encore un seul mot. Tout cela lui revenait maintenant, précis comme au premier jour. Pourquoi lui avait-elle dit cela? Gros bête, va, on parle au moins. Et il se rappela comme elle s'appuyait tendrement sur lui. En passant sous un arbre penché, il avait senti son oreille, à elle, contre sa joue, à lui. Et il s'était reculé brusquement dans la crainte qu'elle ne crût volontaire ce contact. Quand il avait dit « Ne serait-il pas temps de revenir ?» Elle lui avait lancé un regard singulier. Certes, elle l'avait regardé d'une curieuse façon. Il n'y avait pas songé, alors. Et voilà qu'il s'en souvenait maintenant. « Comme vous voudrez, mon ami. Si vous êtes fatigué, retournons. » Et il avait répondu « Ce n'est pas que je sois fatigué, mais Sandre est peut-être réveillée maintenant. » Et elle avait dit, en haussant les épaules, « Si vous craignez que mon mari soit réveillé, c'est autre chose. Retournons. » En revenant, elle demeura silencieuse. Elle ne s'appuyait plus sur son bras. Pourquoi ? Ce « pourquoi-là », il ne se l'était point encore posé. Maintenant, il lui semblait apercevoir quelque chose qu'il n'avait jamais compris. « Est-ce que... » Monsieur Saval se sentit rougir, et il se leva bouleversé, comme si, de 30 ans plus jeune, il avait entendu Madame Sandre lui dire « Je vous aime ». Était-ce possible? Ce soupçon qui venait de lui entrer dans l'âme le torturait. Était-ce possible qu'il n'eût pas vu, pas deviné? Oh, si cela était vrai, s'il avait passé contre ce bonheur sans le saisir, il se dit « Je veux savoir, je ne peux rester dans ce doute, je veux savoir ». Il s'habilla vite. Se vêtant à la hâte, il pensait « J'ai 62 ans, elle en a 58, je peux bien lui demander cela !» Et il sortit. La maison de Sandre se trouvait de l'autre côté de la rue, presque en face de la sienne. Il s'y rendit. La petite servante vint ouvrir au coup de marteau. Elle fut étonnée de le voir si tôt. « Vous déjà, monsieur Saval, est-il arrivé quelque accident ?» Saval répondit « Non, ma fille. » Mais va dire à ta maîtresse que je voudrais lui parler tout de suite. C'est que madame fait sa provision de confiture de porc pour l'hiver et il est dans son fourneau et pas habillé, vous comprenez? Oui, mais dis-lui que c'est pour une chose très importante. La petite bonne s'en alla et Saval se mit à marcher dans le salon à grands pas nerveux. Il ne se sentait pas embarrassé cependant. Oh! Il allait lui demander cela comme il lui aurait demandé une recette de cuisine. C'est qu'il avait 62 ans. La porte s'ouvrit. Elle parut. C'était maintenant une grosse femme large et ronde, aux joues pleines, au rire sonore. Elle marchait les mains loin du corps et les manches relevées sur ses bras nus, poissées de jus sucré. Elle demanda, inquiète, « Qu'est-ce que vous avez, mon ami? Vous n'êtes pas malade ?» Il reprit, « Non, ma chère amie. Mais je veux vous demander une chose qui a pour moi beaucoup d'importance et qui me torture le cœur. Me promettez-vous de me répondre franchement ? » Elle sourit. « Je suis toujours franche, dites. » Voilà, Je vous ai aimé du jour où je vous ai vue. Vous en étiez-vous douté? » Elle répondit en riant, avec quelque chose de l'intonation d'autrefois. « Gros bête, va. Je l'ai bien vu du premier jour. » Saval se mit à trembler. Il balbutia. « Vous le saviez? Alors ?» Et il se tut. Elle demanda. « Alors quoi ?» Il reprit. « Alors, que pensiez-vous? Qu'auriez-vous répondu ?» Elle rit plus fort. Des gouttes de sirop lui coulaient au bout des doigts et tombaient sur le parquet. « Moi? Mais vous ne m'avez rien demandé. Ce n'était pas à moi de vous faire une déclaration. » Alors, il fit un pas vers elle. « Dites-moi, vous rappelez-vous ce jour où Sandre s'est endormie sur l'herbe après déjeuner, où nous avons été ensemble, jusqu'au tournant, là-bas ?» Il attendit. Elle avait cessé de rire. Il le regardait dans les yeux. « Mais certainement, je me le rappelle. » Il reprit en frissonnant. « Eh bien, ce jour-là, si j'avais été entreprenant, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Elle se mit à sourire en femme heureuse qui ne regrette rien. Et elle répondit franchement, d'une voix claire où pointait une ironie. « J'aurais cédé, mon ami. » Puis elle tourna ses talons et s'enfuit vers ses confitures. Saval ressortit dans la rue, atterré comme après un désastre. Il filait à grands pas sous la pluie, droit devant lui, descendant vers la rivière, sans songer où il allait. Quand il arriva sur la berge, il tourna à droite et la suivit. Il marcha longtemps, comme poussé par un instinct. Ses vêtements ruisselaient d'eau, son chapeau déformé, mou comme une loque, dégoûté à la façon d'un toit. Il allait toujours, toujours devant lui. Et il se trouva sur la place où ils avaient déjeuné, au jour lointain dont le souvenir lui torturait le cœur. Alors, il s'assit sous les arbres dénudés. Et il pleura.